Quand Sem, dit à Rachel, quand Boaz dit à Ruth, pleurez, je vais mourir. Rachel et Ruth pleurèrent. Mais le petit enfant ne sait pas. Ses yeux errent, son front songe. L'aïeul, parfois, se sentant là, avait dit, Paul, je vais mourir. Bientôt, hélas, tu ne le verras plus, ton pauvre vieux grand-père qui t'aimait. Rien n'éteint cette douce lumière, l'ignorance, et l'enfant, plein de joie et de chant, continuait de rire. Une église des champs, pauvre comme les toits que son clocher protège, s'ouvrit. Je me souviens que j'étais du cortège. Le prêtre, murmurant une vague oraison, les amis, les parents, vinrent dans la maison chercher le doux aïeul pour l'aller mettre en terre. La plaine fut riante autour de ce mystère. On dirait que les fleurs aiment ces noirs qu'on voit. De bonnes et vieilles gens priaient, mêlant leurs voix. On suivit un chemin, creux comme une tranchée. Au bord de ce chemin, une vache couchée regardait les passants avec maternité. Les paysans avaient leurs bourgerons d'été. Et le petit marchait derrière l'humble bière.